Inédit. Extrait de l'album à venir. MC propre corrigé. Rien. À part dealer, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, ma gueule? Rien. À part fumer des wash, que fais-tu, ma gueule? Rien. À part aller en tôle, où vas-tu, ma gueule? Rien. Putain, t'en as pas marre qu'on se fout de ta gueule? Rien. À part sécher les cours, qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Rien. Maintenant que t'as pas diplôme, que fais-tu, ma gueule? Rien. T'as plus que la NPE comme espoir, ma gueule? Rien. Et même la conseillère se fout de ta gueule. Et rien. Rien que la solitude te perd. Son grandit plus vite dans la misère. Tu vaux mieux que tout ça, retrait, tu le sais. Tu nages tout seul dans la mer. Dire ma gueule, rien. Quand ta mère pleure, que ressens-tu, ma gueule? Rien. À part des problèmes, qu'est-ce que tu ramènes, ma gueule? Rien. Quand les keufs rôdent, ils connaissent par cœur ta gueule. Rien. Quand t'as rien gagné, qu'est-ce t'as à perdre, ma gueule? Rien. À part de la drogue, qu'as-tu dans les poches, ma gueule? Rien. À part être voyou, qu'est-ce qui t'inspire, ma gueule? Rien. Et dans ton froid tout fier, tu caches ton gueule. Rien. Quand tu sors ton arme, que dis-tu, ma gueule? Rien. La balle partira, que feras-tu, ma gueule? Rien. Devant la juge, tu peux que fermer ta gueule. Rien. Et même ton baveux, il s'en foutra ta gueule. Rien. À part de la haine, que ressens-tu, ma gueule? Rien. Les soucis tronchent maintenant, qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Rien. Ton petit frère te regarde, que fais-tu, ma gueule? Rien. À force, ton père sera dégoûté de voir ta gueule. Et rien. Rien. À part souffrir, qu'est-ce que je ressens d'autre, ma gueule? Rien. À part crimer, que dois-je faire d'autre, ma gueule? Rien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au fond, je suis tout seul. Rien. Qu'est-ce que le rap m'a apporté, ma gueule? Rien. À part des problèmes et du foutage de gueule? Rien. À part cogiter, que dois-je faire d'autre, ma gueule? Rien. Après ce morceau, qu'est-ce que ça changera, ma gueule? Rien. Ça, cousin. Minal, écoute ça.